Ja, fam, fam, fam, fam, shibi, la, ba, zin, zin, zin, zin, zin, zin, ha, ha. Sans pour de clé, tourouillé, tourouillé. Sans pour de clé, tourouillé, guéma. Sans pour de clé, tourouillé, tourouillé. Sans pour de clé, tourouillé, guéma.